Salut Barbara, c'est Endriss. Bonjour Endriss, ça va? Oui, très bien. Écoute, en ce moment, c'est le festival de jazz à Nice. Mercredi, il y a un concert de Benjamin Clémentine. Tu veux venir avec moi? Pourquoi pas? C'est à quelle heure? 20h. Non, mercredi à 20h. Désolée, je ne peux pas. J'ai rendez-vous pour un speak dating franco-polonais. Alors, jeudi, il y a un concert de Grégory Priva. Il est génial. Tu es libre jeudi? Oui, jeudi, ça me va. Formidable. On se retrouve où? Ben, place Masséna, à 19h, pour manger une pizza avant le concert. La pizzeria Hatimi, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est parfait. Super. À jeudi.